Chapitre 19e. Adolphe avait bien lancé son air de bravoure, mieux même qu'il n'appartenait à son caractère réfléchi. Entraîné par la situation, il n'avait vu dans le présent que Juliette, et dans l'avenir, il n'avait pensé qu'à son amour. Des obstacles se dressent entre nous, je les briserai. Des volontés s'opposent à notre union, je les dompterai. Nous serons l'un à l'autre, malgré tout, malgré tous. » Dans de semblables conditions, ces mots-là se pressent sur les lèvres, jaillissant du cœur avec une force irrésistible. On a toutes les puissances, toutes les audaces, on escaladerait le ciel. Malheureusement, lorsqu'on est plus porté par l'élan de l'enthousiasme, la réflexion parle, et sa voix, faible d'abord, devient bien vite de plus en plus formidable. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, il faut lui prêter l'oreille et l'écouter. Ce fut ce qui se produisit pour Adolphe. Il n'était pas dans la rue que déjà il cherchait les moyens d'assurer sa victoire. Il ne regrettait pas l'engagement qu'il venait de prendre, mais il se demandait comment il triompherait des difficultés qui se dressaient devant lui, plus hautes et plus escarpées depuis qu'il était retombé dans la réalité. Comment obligerait-il Juliette à renoncer à la peinture ? Comment amènerait-il sa mère à consentir à leur mariage ? Pour Juliette, il n'avait qu'à se faire aimer d'elle, et assurément, le jour où l'amour lui apporterait son appui, la peinture serait vaincue. Sans doute, il avait du chemin à parcourir avant d'en arriver là, mais il ne se sentait nullement découragé. Juliette avait pour lui de l'amitié, de l'estime, même de la tendresse, et la façon dont elle avait parlé laissait place à l'espérance. Ces paroles n'étaient pas celles d'une femme qui s'est arrêtée à une résolution dont rien ne la fera départir. Son cœur était sensible, il se laisserait toucher, et touché, il se laisserait entraîner par des sentiments qui seraient devenus les siens. Mais sa mère, comment lui annoncer qu'il voulait Juliette pour femme? Comment lui faire accepter cette idée? Comment combattre ses préventions? Comment enlever son consentement? Pendant que, revenant à Nogent, il se posait ces questions et les agitait dans son esprit inquiet, un fait presque puéril en lui-même vint lui montrer d'une façon palpable combien elle serait délicate à résoudre. Il avait annoncé à sa mère qu'il allait faire une promenade à travers champs. Abaissant par hasard ses yeux sur ses bottines, il les vit propres et luisantes comme elles étaient lorsqu'il avait quitté Nogent. Or, par cette journée de poussière, après une absence de plus de 5 heures et une promenade dans les chemins de la campagne, à travers les prairies et les bois, il ne pouvait pas rentrer avec les chaussures d'un homme qui a été simplement à Paris en chemin de fer et en voiture. Il lui fallait de la boue, ou bien sa mère, qui examinait tout, devinerait parfaitement où et comment il avait employé le temps de cette absence. Au lieu de descendre à la station de Nogent, il continua jusqu'à Joinville et il s'en revint à pied, non par les chemins bien balayés du bois, mais par la grande route pavée que suivent les voitures. Alors, marchant au milieu de la chaussée, comme un ivrogne qui craint les fossés, enfonçant jusqu'à la cheville dans la poussière qu'il faisait tourbillonner, il se prit à rougir de lui-même. Et quoi? C'est ainsi qu'il était résolu. Il allait s'engager dans une lutte sérieuse et au moment de la commencer, il employait les petits moyens, les petites roueries d'un écolier en faute. Ce qu'il avait prévu se réalisa. En le voyant rentrer, sa mère l'examina de la tête aux pieds, et le premier coup d'œil dont elle l'enveloppa lui dit clairement qu'elle n'avait pas cru à cette longue promenade. Mais cet examen rapide la rassura, et l'épaisse couche de poussière qui couvrait les bottines et le pantalon fut un témoin qui arriva à propos pour lever ses doutes. « Dans quel état tu es ? Dit-elle. « Tu étais loin. »« Il y a de la poussière dans les chemins, » répliqua-t-il sans répondre directement. « Tu as fait une longue promenade, tu as toujours marché. »« Je n'ai plus mal à la tête, je te remercie. »« Va changer de vêtements et reste dans ta chambre jusqu'à l'heure du dîner. »« Si tu as besoin de te reposer, ne te gêne pas pour moi. »« D'ailleurs, j'ai des comptes d'ouvriers et d'entrepreneurs à examiner. »« Cela ne t'amuserait pas. » Adolphe savait ce qu'étaient ses comptes d'entrepreneur. Désireuse d'avoir son fils toujours près d'elle, Madame Dalifard craignait cependant qu'il ne s'ennuyât. Alors, pour lui laisser toute liberté, elle avait ce prétexte des comptes. Elle s'enfermait dans sa chambre, et comme l'examen de ses comptes ne pouvait pas toujours durer, bien souvent, au lieu de repasser des additions, elle se mettait derrière un rideau et elle restait là à regarder son fils se promener dans le jardin. Elle le voyait, et elle avait la conscience tranquille, elle ne le gênait pas. Il monta à sa chambre, satisfait du succès de sa ruse, mais en même temps humilié et fâché qu'elle eût si bien réussi. Ce n'était pas en évitant toujours que le nom de Juliette fût prononcé qu'il arriverait à habituer sa mère à l'idée de leur mariage. D'ailleurs, il eût été bien aise de trouver une occasion de parler des Nélis. N'avait-il pas annoncé à sa mère sa visite du lendemain à Passy, et ne lui fallait-il pas 6 000 francs? Pendant le dîner, il chercha à faire naître cette occasion. Mais comme sa mère ne se prêtait pas à son désir, soit parce qu'elle ne comprenait pas ses invites, soit au contraire parce que, les comprenant trop bien, elle ne voulait pas lui permettre d'arriver à parler des Nélis, il fut obligé d'aborder franchement la question. « À propos, dit-il, je serai obligé de te laisser seul au bureau demain dans la matinée. Très bien. Je vais à Passy voir un tableau qu'on dit admirable. C'est l'œuvre d'un jeune peintre nommé Francis Hérol. Ce n'est pas précisément un début, mais comme Hérol n'a pas encore un nom marchand, on ne demande que 6 000 francs de ce tableau, qui dans quelques années vaudra 60 000 francs. Qui donc t'a parlé de ce tableau et te l'a ainsi vanté? C'est Juliette Nélis. L'autre jour au Louvre, il en a été beaucoup question. Tu ne m'en avais rien dit. Quand Adolphe se trouvait pris par une question directe à laquelle il ne pouvait répondre que par un mensonge, son habitude était de ne pas répondre du tout et de passer brusquement à un autre sujet. Le tableau est exposé dans un atelier particulier, dit-il, et Juliette a bien voulu me promettre de m'accompagner. J'irai la prendre demain avec sa mère. Encore Juliette, interrompit Madame Dalifard. Je ne veux pas te tourmenter par mes observations et mes remontrances, mais je t'en prie, souviens-toi de ce qui a été dit en deux circonstances décisives, au moment de ton départ pour l'Angleterre et à ton retour. Ne m'oblige pas à te le rappeler. Mais, maman, je t'en prie, ne parlons pas de ce sujet. Tu dis que ce tableau vaut 6 000 francs. S'il te plaît, et si le prix est avantageux, tu peux l'acheter. Je t'offre ces 6 000 francs. Mon intention est de mettre à ta disposition une subvention annuelle de 10 000 francs, afin que tu puisses contenter ton goût pour les tableaux. Tu prendras ces 6 000 francs sur les 10 000. Tu es vraiment trop généreuse. Je veux te faire plaisir. Je sais bien que maintenant que tu es mon associé, tu gagneras assez pour te payer tes fantaisies. Mais l'argent gagné ne doit pas se dépenser, il doit s'amasser. C'est une habitude qu'il est bon que tu prennes dès le commencement. Sans cela, on va trop vite et trop loin. J'agis en bonne mère de famille. Et puis enfin, où serait mon bonheur si tu n'avais plus besoin de moi? Le lendemain, à l'heure dite, il sonna à la porte de l'atelier de la rue de Dunkerque. Juliette était prête. Madame Nélis n'avait plus qu'une fleur à poser sur son chapeau, un bouton à recoudre à ses manchettes et un point à faire à ses gants. Elle avait aussi égaré Hermance, mais on fut assez heureux pour retrouver le volume sous un monceau d'étoffe. On partit enfin. Adolphe s'était placé dans la voiture de manière à se trouver vis-à-vis de Juliette, et pendant tout le temps que dura le trajet, il ne la quitta pas des yeux. Il n'avait plus à voiler son regard, il avait parlé, il pouvait la contempler à son aise, et de ses yeux brûlants, il répétait les paroles de la veille. On arriva, et Adolphe, qui ne demandait qu'à partager les idées, les goûts de Juliette, trouva le tableau admirable, digne en tout point de l'éloge qu'il en avait entendu faire. Ce n'est pas 6 000 francs qu'il l'eût payé pour se donner le plaisir de sanctionner le jugement de Juliette, mais 20 000, mais 100 000. Lui qui, cependant, n'était pas prodigue par nature, et qui, par éducation, avait été habitué à compter, il avait perdu le sens du calcul et le sentiment de la valeur de l'argent. Cependant, il éprouva bientôt un mouvement de dépit et de chagrin. L'admiration que manifestait Juliette le blessa dans sa jalousie. Jamais elle n'avait eu pour lui les yeux qu'elle avait pour ce tableau. Comme il eût voulu être le peintre qui avait peint cette toile et qui allumait cet enthousiasme, combien facile alors il lui serait de se faire aimer. Mais il se hâta de reprendre les avantages que sa position lui donnait, et tirant de sa poche une liasse de billets de banque qu'il posa sur la table du sculpteur. « On demande 6 000 francs de ce tableau, » dit-il. « Les voici. » Le sculpteur fut ébahi. « J'aurais voulu garder encore le tableau de mon ami Errol pendant 15 jours, » dit-il, « afin de le montrer à quelques amis et puis il faut qu'il figure à l'exposition prochaine. Qu'à cela ne tienne, gardez-le pendant 1 mois, et l'année prochaine je serai fier de l'envoyer moi-même à l'exposition. » Puis, laissant les billets où il les avait déposés, il offrit son bras à Madame Nélis pour regagner leur voiture. Vous avez fait une belle sortie, dit Juliette en riant, et vous avez une façon de placer vos billets de banque vraiment distinguée, qui est d'un grand seigneur plutôt que d'un homme d'argent. Crois-tu que l'argent abaisse nos sentiments? Dit Madame Nélis. Il ne donne pas, cela est vrai, mais quand on a, il permet de les montrer. L'heure du déjeuner avait sonné. Il voulut les faire entrer aux Champs-Élysées chez le doyen. Madame Nélis se fit prier. Elle n'était point en toilette pour se montrer dans un restaurant. Elle n'était point en appétit. Enfin, elle se laissa toucher. Ce fut une fête pour lui. Comme Juliette cassait son pain d'une façon charmante. Comme elle était gracieuse lorsqu'elle se renversait légèrement pour boire, le cou tendu. Les lèvres à demi ouvertes laissaient voir ses dents nacrées. Mais comme elle ne subissait pas la même ivresse, elle n'oublia pas l'heure et à midi elle demanda de retourner au Louvre. « Et ma copie ?» dit-elle. Adolphe s'arrangea pour rester seul une seconde avec Madame Nélis. « J'ai à vous parler, » dit-il, « à vous parler sérieusement. Voulez-vous me permettre de vous accompagner au Louvre ? Pendant que Mademoiselle Juliette travaillera, nous pourrons nous isoler dans un coin. »